de Futur Simple, votre magazine de culture scientifique sur les ondes de CKRL au 89.1. Et nous accueillons maintenant Adeline Parent, qui va venir nous discuter de tempêtes et ouragans pour l'année 2011. Alors, on appelle ça des typhons dans le Pacifique du Nord-Ouest, on appelle ça des ouragans dans l'Atlantique Nord, on appelle ça des cyclones des fois ailleurs. C'est toutes les tempêtes violentes portent plusieurs noms selon leur lieu de formation, exact. Mais elles ont toutes une caractéristique, des caractéristiques assez fortes comme des pluies torrentielles, des vents très violents, des graves inondations. Donc, alors Adeline, qu'en est-il pour cette année 2011 côté prévision de tempêtes tropicales? Eh bien, on a des... Bonjour Adeline, pardon, je te fais bonjour Adeline. Bonjour. Déjà, je suis ravie de revenir à CKRL pour cette année. Ah, mais c'est tout le plaisir est pour nous. En tout cas, donc, pour les prévisions, certains météorologistes avaient dit que, déjà au mois de mai 2011, donc avant la haute saison des grosses tempêtes tropicales seulement pour l'Atlantique, qui est comprise entre le 1er juin et le 30 novembre, donc au mois de mai déjà, les météorologues américains avaient prévu à peu près 12 à 18 tempêtes tropicales, dont certaines, entre 6 et 10, pourraient se transformer en ouragan. Et le 4 août dernier, soit 3 mois plus tard, les experts annonçaient alors 14 à 19 tempêtes tropicales qui se formeront, dont 7 à 10 se transformeront en ouragans, mais surtout 3 voire 5 de ces ouragans s'avéreront très intenses. Alors, qu'est-ce que intense ? C'est tout ouragan qui va atteindre l'échelle de 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui compte 5 échelons. D'accord. Donc, leurs prévisions sont devenues plus dramatiques au cours de l'été. Exactement. Et donc, en clair, les experts annonçaient en mai 65% de probabilité que l'année 2011 soit une saison au-dessus de la normale. Et ce chiffre est passé à 85% au mois d'août. D'accord. Mais alors, le bilan d'aujourd'hui, ce jeudi 15 septembre, nous en sommes à 15 tempêtes tropicales, dont 2 ouragans. On a eu l'ouragan Irène, oui, qui s'est déclenché à la mi-août, tuant 55 personnes. et il avait atteint l'échelle de 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Et l'ouragan Katia, qui s'est formé sur la côte est africaine le 1er septembre dernier. Il s'est dirigé ensuite vers les Caraïbes, donc il a traversé l'Atlantique. D'accord. Et il a, 10 jours plus tard, il s'est transformé en catégorie 4. Catégorie 4 sur une échelle de 5. C'est ça. Oh, c'est du sérieux. Exact. Et ensuite, en se transformant en cyclone post-tropical, il a fini par s'écraser en tempête, donc il a diminué. Il s'est écrasé en tempête sur le Royaume-Uni dernièrement, là, et il a fait un mort. Donc, il est parti de la côte africaine, il a traversé l'Atlantique pour retraverser l'Atlantique et retourner. C'est ça, exactement. Wow, il a fait un demi-cercle. Wow. Là, actuellement, maintenant, tout de suite, là, la dernière tempête tropicale enregistrée s'appelle Nate. Et elle a été créée le 6 septembre. Elle est donc en ce moment sur le sud du golfe du Mexique et elle a déjà tué 5 personnes. Wow. Alors, est-ce que ça augmente, est-ce que leur fréquence des tempêtes augmente vraiment dans le temps? Alors, d'après les chiffres actuels, oui, mais il faut surtout se baser sur les études. Alors, parlons études scientifiques. En septembre 2005, dans le journal Science, Peter Webster, qui est docteur diplômé du MIT, et Greg Holland, actuellement au National Center for Atmospheric Research, ils ont publié une étude montrant le net accroissement du nombre de cyclones directement liés à la hausse des températures dans le monde. Le problème de cette étude, elle n'est basée que sur le XXe siècle. Ok, donc seulement les 100 dernières années. C'est ça. Donc ça veut dire que de 1900 à 1930, ils disaient qu'en moyenne, dans l'Atlantique, on avait 6 épisodes dépressionnaires importants, 4 ouragans, 2 tempêtes tropicales. De 1930 à 1940, c'est une moyenne de 10. Ensuite, entre 1995 et 2005, il y en avait 15. Et après, maintenant, actuellement, les prévisions sont autour de 14 à 19. Donc on voit... Il y a une bonne augmentation. Voilà, donc si jamais on se base juste sur ces chiffres-là, on est d'accord qu'il y a une augmentation. Dans un autre magazine, la revue Nature, en 2009, Michael Eman explique, grâce à des recherches sur les sédiments laissés par les ouragans dans les lacunes, que dans l'océan Atlantique, les ouragans n'ont jamais été aussi fréquents depuis plus de 1000 ans. Donc, que maintenant, finalement. Voilà, en fait, il a basé, lui, une étude sur 2000 ans dernier. Donc, il a dit qu'il existait ce qu'on appelle le réchauffement climatique de l'an 1000, soit entre 900 et 1300 après Jésus-Christ. Il y a eu à peu près la même chose qui se passe actuellement, c'est-à-dire beaucoup d'ouragans, ou beaucoup trop, on va dire. Dans son article, lui, donc il est d'accord avec les premiers auteurs, il conclut que l'augmentation de la température des eaux océaniques est associée à une augmentation du nombre d'ouragans. Donc, pour lui, il y a un lien entre le réchauffement climatique actuel et la fréquence des épisodes cycloniques. Donc, les changements climatiques seraient vraiment coupables de la hausse de la fréquence des ouragans? Alors, il y a un lien possible entre le réchauffement de la planète et la formation des ouragans, mais c'est très controversé dans le milieu scientifique. Les deux études dont je viens de parler, certes, sont édifiantes, on va dire, mais il ne faut pas tirer de conclusions juste avec ça. Il ne faut pas juste croire ce côté-là de la médaille. Non, parce que y en a, la première est basée sur les 100 à 150 dernières années, l'autre est basée sur 2000 ans. En météorologie, si on veut parler de cycle, il faut penser à, disons, peut-être vraiment 1000, 2000, 1 million d'années. Enfin, c'est une échelle plus large. Exact. Donc, si jamais on reprend, donc, l'auteur de l'article Nature, dans Nature, M. Mann, lui estime que l'activité cyclonique va s'accroître prochainement, puisque l'Atlantique est voué à augmenter sa température. Mais Julian Erming, qui est un spécialiste des tempêtes tropicales du Service national britannique en météorologie, il a été interviewé par la BBC. Lui dit stop, c'est pas possible. Il retient de l'étude de Monsieur Mann que il y a 1000 ans autant de tempêtes tropicales qu'actuellement. Donc, est-ce que on peut dire que il y a un phénomène exceptionnel actuellement et en l'an 1000, ou alors c'est quelque chose de cyclique, cyclique qui veut dire que ça se produit toutes les décennies, tous les siècles, ou voire tous les 1000 ans. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait pas de lien finalement avec l'homme. Alors, dans le numéro 116 du Journal of Geophysical Research, il y a un chercheur qui s'appelle Gabriel Villarini. Lui, il explique que l'augmentation du nombre d'ouragans n'est pas due du tout au réchauffement de la planète, mais plutôt à la capacité de les détecter. Ok, c'est quand même un facteur qu'il faudrait considérer. Hein. Exactement. Donc, dans l'article de Peter Webster et Greg Holland, dont on a parlé plus tôt dans Science, Villarini a retenu quelque chose. Quand on regarde les détails du nombre d'ouragans depuis la fin du 19e siècle, l'augmentation de la fréquence s'observe seulement parmi ceux qui ont moins de 2 jours. Ah, d'accord. Donc actuellement, il y a 5 fois plus de ces fameux ouragans qui n'ont que 2 jours de vie finalement, que la première moitié du 20e siècle. D'accord. Donc ces ouragans qui sont normalement difficiles à détecter, il a fallu des innovations comme, par exemple, les navires de recherche dans les années 60. Ah, d'accord. Alors, les peut-être qu'avant, ça passait plus inaperçu, en fait. C'est ça. C'est dans l'océan, ça mourait. Puis c'est ça. Nous, en tant qu'hommes, vu que c'est nous les observateurs, on ne les voyait jamais. D'accord. Et donc, on ne les prenait pas en compte dans d'accord, les décomptes. Dans le décompte, OK. Voilà. Donc, comme en ce moment, il y a des algorithmes avec les satellites et tout qui nous permettent de capter encore plus vite tout ce qui est les petits ouragans, justement, de 2 jours. Sa conclusion est donc la suivante. Si on oubliait l'histoire de l'amélioration de la détection des tempêtes tropicales, on ne pourrait pas tirer de conclusion sur une période aussi courte pour 20 ou 30 dernières années. Donc les ouragans sont des événements trop rares pour qu'on puisse tirer des conclusions aussi rapidement. D'accord. Sinon, certains scientifiques estiment que la hausse du nombre d'ouragans est effectivement en partie due à l'amélioration des techniques, mais pour la majorité des scientifiques, cette explication n'est pas suffisante et ils pensent donc qu'il y a un lien direct avec le réchauffement de la planète. Ah, d'accord. Mais si on veut rester objectif par rapport à tout ça, est-ce qu'on peut trancher Oui, bien sûr. En fait, il faudrait juste disposer de plusieurs données remontant loin dans le passé. Mais bon, vu qu'on vient de le dire, les données actuellement sont que sur le dernier siècle, on va dire, donc rien de très objectif, il faudrait trouver des techniques, etc. D'accord. Mais juste une dernière chose, oui, et je vais finir avec ça. Pour l'instant, l'année record reste 2005, où il y a eu 27 cyclones. Wow. Donc 4 ouragans de classe 5 sur la fameuse échelle de Saffir-Simpson avec le fameux Katrina. Et c'est justement l'année où il y a eu tous ces débats avec les scientifiques sur justement son réchauffement de la planète. Ouais, là, ça a fait paniquer tout le monde. Là, exactement. C'est en dehors des prévisions même pour cette année. 27, c'est énorme. On est arrivé de manquer de lettres. Nomenclature, est-ce qu'il recommence l'alphabet? Dans la nomenclature, effectivement, on a donc des lettres de A à W en enlevant certaines lettres. Ça fait genre fille, garçon. C'est ça, hein. Les années paires, c'est les garçons, ça commence par les garçons, nom de garçon. Ah. Année impaire, ça commence par le nom des filles. Et quand il n'y a pas assez de lettres, on finit par l'alphabet grec. Epsilon, Sigma, Beta, Gamma. Ça, c'est mauvais signe. Quand on est rendu à l'alphabet, c'est 2005. Ok, il était rendu dans les. Ben, malheureusement, on pourra pas tout aborder. Alors que c'est intéressant parce que tu parlais aussi des coûts, hein, des coûts astronomiques. Oui, des coûts astronomiques. Là, vaut mieux. Mais en fait, je pense que c'est mieux de pas en parler. C'est trop déprimant. vend des milliards de dollars. Hein, non, voilà. c'est peut-être pas le moment, là. On va être en crise économique. On va rester un peu optimiste. Alors, merci beaucoup pour ton intervention. On voit à quel point l'humain peut se faire un peu petit quand la nature se déchaîne. Hein. C'est une belle leçon d'humilité, hein, parce qu'on a beau être... Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est justement de savoir si on a un lien direct avec ça. Parce que si on a un lien direct, dans ces cas-là, il faudrait peut-être changer nos habitudes. Parce qu'on subit directement les ouragans. Ben voilà, alors c'est cette belle réflexion. Merci beaucoup, Adeline. Je t'en prie.